Le collège a été fondé sous François Ier. Le collège est absolument lié à la Renaissance. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quelle définition propre pourrait être élaborée de la vérité, cette notion décriée? Quel concept de vérité construire demande la philosophe Claudine Tiercelin. Dans le contexte de questionnements autour des phénomènes de faits alternatifs et de post-vérité, Claudine Tiercelin, titulaire de la chaire de métaphysique et philosophie de la connaissance, propose d'interroger la notion critiquée de vérité et les relations qu'elle tisse ou pas avec la connaissance et la démocratie dans la série de cours sur 2 heures, chaque cours est donc en 2 parties, qu'elle a proposé en 2017. En ouverture, Claudine Tiercelin a rappelé, et je la cite, que politique, connaissance et vérité sont censés ne pas faire bon ménage. Mais la démocratie va de pair avec l'idée de citoyens égaux, rationnels et autonomes. Après avoir exploré ce que la vérité n'est pas, notre philosophe logicienne ouvre une nouvelle interrogation. La normalienne passée par Berkeley et qui a fait sa thèse sous la direction de Jacques Bouvresse sur le problème des universaux chez Peirce tisse des ponts stimulants entre l'Europe et l'Amérique et nous introduit au cœur de la philosophie analytique anglo-saxonne. Elle note dans sa présentation, et je la cite à nouveau, que l'on ne peut réduire le concept de vérité dans les termes d'une approche soit déflationniste, soit minimaliste. On entreprend alors la pars construens, donc c'est notre nouvelle partie, en s'inspirant de certaines idées héritées du pragmatisme classique, Frank Ramsey, William James et Charles Peirce. On commence à poser les jalons d'un concept convaincant de vérité. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 15 mars 2017 pour le cours de Claudine Tiercelin, Connaissance, vérité et démocratie, aujourd'hui, pars construens, ce que pourrait être le concept de vérité. Conscient de la nécessité de remédier à ces difficultés inhérentes aux positions déflationnistes, le philosophe Crispin Wright a proposé, notamment dans son ouvrage de 1992, « Truth and Objectivity », une approche qui a eu et a toujours une certaine influence et que l'on qualifie généralement de « minimaliste ». Soucieux de réintroduire une inflation, donc dans ces conceptions dont il ne s'agit pas de nier au demeurant les effets salubres, il a essayé d'identifier une certaine forme d'engagement entre le langage, la pensée et la réalité. Comme l'avait fait aussi Michael Demet, nous l'avons vu, et l'influence sur les 2 auteurs de Wittgenstein n'y est sans doute pas pour rien, Wright insiste notamment sur le fait que les normes qui régissent toute assertion sont aussi des normes qui régissent l'usage du prédicat « est vrai ». Les déflationnistes estiment, nous l'avons vu, qu'il n'y a rien de plus dans la vérité qu'une propriété formelle de décitation ou au mieux qu'un dispositif logique d'assertion. Mais ils ne parviennent pas vraiment à nous convaincre que lorsque nous utilisons le prédicat vrai, nous ne faisons pas, n'est-ce pas, quelque chose de plus. Ils ne voient pas que lorsque nous disons que quelque chose est vrai, nous voulons aussi signifier que ce que nous disons est digne d'être asserté, d'être assertable, et ajoutera John Dewey, d'être peut-être même assertable de façon garantie. Et aussi, deuxième chose qu'ils ne disent pas, Ce qu'il ne voit pas, c'est que, de façon générale, nos assertions visent le vrai. La vérité joue bien ainsi comme une norme de nos assertions. Par quoi l'on veut dire qu'il serait somme toute étrange d'imaginer quelqu'un qui affirmerait quelque chose, mais sans croire le moins du monde que ce qu'il asserte est vrai, ou est à tout le moins susceptible de l'être, n'est-ce pas ? Le déflationniste admet certes ce lien entre vérité et incertabilité, mais il l'inscrit dans un pluralisme ou un relativisme. Mais alors, comme le fait observer Crispin Wright, il est contraint de renoncer au schéma d'équivalence. Car s'il considère que « vrai » et « incertable » sont des termes équivalents, en toute rigueur, il doit pouvoir dire, conformément donc au schéma décitationnel, que « il n'est pas le cas que P, entre guillemets, est vrai, si et seulement si, il n'est pas le cas que P, entre guillemets, est vrai ». Or, il suffit de substituer « vrai » à « incertable » pour voir que la proposition indiquée par le schéma devient incorrecte, lorsque nous n'avons pas plus de raison d'asserter P que de raison d'asserter non P, car l'équivalence ne marche pas si on la lit de droite à gauche. Par exemple, le fait que nous ne puissions pas asserter qu'il y a des extraterrestres n'implique pas que nous puissions asserter qu'il n'y a pas d'extraterrestres. Ce qui indique clairement que le prédicat de vérité suit une norme distincte de celle de l'assertion ou de la justification. Sans aller jusqu'à réintroduire une norme trop substantielle qui suivrait une intuition correspondantiste ou réaliste, on peut alors, de façon minimale, suggère Wright, dire que l'on a affaire à une norme en vertu de laquelle dire qu'un énoncé est vrai, c'est dire que les choses sont telles qu'il le décrit réellement, ce qui ressemble davantage à une platitude au demeurant qu'à une propriété profonde. Et c'est une série de platitudes, en effet, auxquelles doit satisfaire le prédicat de vérité que Wright propose de regrouper ainsi. Premièrement, asserter un énoncé, c'est le présenter comme vrai. Vous aurez reconnu le schéma d'équivalence. Deuxièmement, P, entre guillemets, est vrai si et seulement si P, c'est-à-dire T, nous retrouvons le schéma décitationnel. Troisièmement, donc troisième platitude en quelque sorte, les énoncés susceptibles d'être vrais ont des négations susceptibles d'être vraies. Quatrièmement, être vrai n'est pas la même chose qu'être justifié. Cinquièmement, être vrai, c'est correspondre aux faits. Wright considère donc qu'il y a, pour reprendre ces termes, un sens minimal de la vérité, un sens non métaphysique, je le cite, une projection simplement des critères quels qu'ils soient, qui informe réellement l'assertion au sein du discours, fin de citation, page 61 de Truth and Objectivity, qui passe donc tous les tests des théories classiques de la vérité. Équivalence, décitation, stabilité, convergence et indépendance, et que le sens minimal, bien que non formel, n'est-ce pas, du prédicat de vérité est constitué par sa fonction dans les différents types d'assertions. La question que l'on peut alors se poser est évidemment celle de savoir si ces critères, donc stabilité, convergence, indépendance notamment, ne reviennent pas ni plus ni moins à réintroduire une conception substantielle, somme toute banale, et qui a des allures bien proches du réalisme. Mais Wright souhaite ne pas aller aussi loin, d'où son minimalisme, car il considère que tous nos jugements n'empruntent pas forcément une voie réaliste. En particulier, il veut laisser une place à certaines intuitions qui, selon lui, sont les nôtres, au terme desquelles nous ne sommes pas toujours prêts à dire que si nos énoncés moraux, par exemple, ou politiques, sont vrais, ce serait en vertu d'un trait objectif, indépendant de la réalité. Un réaliste moral, assurément, le ferait sans hésitation, mais d'autres pourraient estimer, dans une veine donc plus expressiviste, si vous voulez, ou moins cognitiviste en tout cas, que nos jugements moraux s'appuient plutôt sur des sentiments ou d'autres types d'attitudes subjectives. Bref, Kirsten Wright considère que Les vérités morales ne sont pas du même ordre que les vérités usuelles ou scientifiques, et en particulier qu'on ne peut pas tenir ces énoncés pour entièrement faux. Et c'est pourquoi il préfère soutenir, dans un esprit assez proche, nous allons le voir, de ce que soutiennent aussi des philosophes comme Peirce et comme Hilary Putnam, que l'on peut caractériser le prédicat de vérité au sens minimal où il correspond à ce qu'il appelle une norme d'acceptabilité idéale, ou dans son jargon, ce qu'il appelle la suracceptabilité. Qu'est-ce que la suracceptabilité ? Un énoncé, dit-il, est suracceptable si et seulement si il est acceptable de manière garantie et destiné à demeurer tel, quelle que soit l'information dont nous pourrions disposer en sa faveur. Donc, dans le livre, page 48. À la différence du déflationniste typique, vous voyez que le prédicat donc de suracceptabilité passe le test du schéma décitationnel, précisément parce que la suracceptabilité, à la différence de l'acceptabilité, est stable et n'est pas relative à un état d'information. Il satisfait aussi à toutes les platitudes que nous avons évoquées, dans tous les cas où nous voulons soutenir que la vérité, pour un domaine particulier, n'excède pas nos pouvoirs de connaissance. Ainsi, l'intuitionniste en mathématiques peut vouloir dire que les énoncés mathématiques sont vrais seulement à proportion de la capacité que nous avons de les démontrer. Un antiréaliste en morale pourra vouloir dire que nos énoncés moraux sont vrais à proportion de la capacité qu'auraient des agents idéalement rationnels ou idéalement informés de les reconnaître comme tels. Et ceux qui défendent ces positions n'ont pas à rejeter la notion classique de vérité, ils peuvent conserver, au fond, une notion comme celle de suracceptabilité qui en reste suffisamment proche. Vous voyez, c'est ça l'idée. Toutefois, comme ses détracteurs, notamment Pascal Engelle, Cheryl Misak ou Susan Hack, n'ont pas manqué de le faire remarquer, le minimalisme pose plusieurs problèmes, dont le premier est que, si dans certaines circonstances, comme le dit Engelle dans son livre « Sur la vérité », 1998, page 60-61, « En éthique, en esthétique, peut-être en mathématiques, nous sommes prêts à prendre parti pour quelque chose qui soit moins que le concept réaliste de vérité, il n'en va pas de même dans d'autres domaines, comme celui de la vérité scientifique empirique. Peut-on dire ici que toutes les vérités sont connaissables en principe ? Nos théories ne pourraient-elles pas être fausses sans que nous ayons le moyen de le reconnaître ? Si nous le nions, nous retomberons dans les difficultés du pragmatisme et du vérificationnisme. » Fin de citation. Autrement dit, Crispin Wright retrouve au fond la difficulté classique qui n'est pas sans rappeler le conflit platonicien de Euthyphron, où Euthyphron maintenait que les actes pieux sont ceux qui sont jugés être tels par les dieux, et où Socrate maintenait pour sa part que les actes pieux sont reconnus comme tels par les dieux parce qu'ils sont pieux. Que devons-nous donc ici privilégier ? Devons-nous considérer que la marque de la vérité, c'est la convergence des opinions, ou bien que c'est l'indépendance des faits par rapport à ces opinions. Vous voyez ? Bon. Le minimalisme pose un deuxième problème. Si, à la différence du déflationnisme, il conserve donc bien, semble-t-il, un concept de vérité qui reste, et c'est un avantage, neutre d'un domaine à l'autre, il conserve l'idée problématique qu'il y a bien un pluralisme, donc des types de vérités, et donc autant de vérités qu'il y a de types différents ou distincts de discours. Ce qui ne permet guère d'éviter le relativisme. Donc vous voyez qu'en dépit des apparences, et même si Crispin Wright reproche parfois à tort aux pragmatistes, et notamment à Peirce, de soutenir la thèse peu plausible, sur laquelle je vais maintenant revenir, qu'il y a une limite idéale à nos efforts pour parvenir à des croyances garanties, sa position, comme l'a montré Cheryl Misak en particulier, est moins proche de celle de Peirce et des pragmatistes, notamment par la distinction qu'il maintient entre la vérité simplicitaire, c'est-à-dire celle qui satisfait aux exigences minimales de la surassertabilité, et la vérité substantielle, plus robuste, celle à laquelle on parvient lorsqu'un discours a d'autres aspects, comme par exemple celui de la commande cognitive, où il est a priori que des désaccords impossibles à trancher sont dus à telle ou telle défaillance cognitive, ce qui semble vouloir dire que dans certains domaines, notamment en morale, mais aussi en politique, il est impossible d'appliquer des exigences morales ou politiques plus substantielles, et où on ne pourrait donc appliquer que la vérité minimale. Il est alors tentant de dire, évidemment, que les jugements moraux ou politiques ne peuvent aspirer à la vérité, puisqu'ils ne peuvent aspirer à la vérité robuste. Or, un pragmatiste, comme l'observe Cheryl Misak, est quelqu'un qui veut s'en tenir, et à mon sens aussi à juste titre, à l'idée d'une vérité simplicitaire. Ce pourquoi il considère, sans être forcément un réaliste moral acharné, que la vérité en morale et en politique n'est pas seulement l'expression d'un sentiment, mais la reconnaissance de quelque chose d'objectif qui peut dès lors prêter à discussion, à argumentation, et se voir évalué comme n'importe quel autre type d'énoncé dans l'arène publique. Sans doute sommes-nous, du moins je l'espère après cet examen, un peu mieux armés, dès lors que nous voyons un peu mieux ce que n'est pas la vérité, pour tenter de nous approcher de ce qu'à tout le moins elle pourrait être, et c'est donc maintenant à la pars construens de l'analyse que je souhaiterais à présent en venir. À l'occasion de notre examen, nous avons relevé à plusieurs reprises nombre d'aspects positifs et originaux dans la manière dont des auteurs comme Ramsay, James Hooper abordent le problème de la vérité, et ce en dépit aussi de certaines difficultés que nous avons pu repérer chez les uns ou les autres. Et il me semble que nous pouvons encore trouver chez eux plusieurs sources d'inspiration pour élaborer notre propre définition de ce que pourrait être la vérité. En disant cela, je ne fais que rejoindre le diagnostic qu'avait posé il y a une vingtaine d'années à présent le philosophe Hilary Putnam, aussi bien dans son livre « Renewing Philosophy » que dans un autre ouvrage « Words and Life », ou plus nettement encore dans ses « Dual Lectures », comme dans la préface de son livre « Pragmatism and Open Question ». Putnam a souvent dit, plusieurs livres de Putnam ont été traduits en français, mais pas, du moins pas encore, ceux-là. Putnam a souvent dit, en effet, avoir été progressivement conduit au pragmatisme par sa prise de conscience d'une difficulté centrale. Comment continuer à promouvoir les idées de tolérance et de pluralisme inhérentes à la société ouverte ou des Lumières sans sombrer dans, je cite, « le scepticisme épistémologique, voire le scepticisme moral corrosif, qui vont nécessairement de pair avec cette tolérance et ce pluralisme, et qui risquent toujours d'amener l'autoritarisme moral. » Fin de citation, c'est dans « Pragmatism and Open Question », page 2. Comme vous le voyez, nous cessons de rencontrer ce dilemme qu'évoquaient aussi des philosophes comme Kelsen ou Russell, et qui, il faut bien le dire, est toujours le nôtre. Face au réalisme métaphysique et scientiste, à cette métaphysique réactionnaire, j'emploie le terme de Putnam, ici selon lui d'une certaine interprétation de la tradition empiriste, et face aux réactions relativistes tout aussi irresponsables, je le cite, que ce réalisme a engendré, dont Rorty est l'une des figures, le pragmatisme est apparu à Putnam comme la meilleure réponse à ce qu'il a appelé notre crainte de la perte du monde, la meilleure manière pour reprendre le titre du Weyen de Renewing Philosophy, de renouer avec et de renouveler la philosophie. Et Putnam a souvent souligné que ce qu'il trouvait d'attirant dans le pragmatisme, ce n'est pas, je cite, une théorie systématique, mais plutôt un certain groupe de thèses en lesquelles peuvent se retrouver, selon lui, des auteurs aussi variés que Peirce, James ou Dewey, mais aussi Wittgenstein, Austin, voire Husserl et Aristote. Thèse qu'il résume ainsi. Premièrement, l'antiscepticisme. Deuxièmement, le faillibilisme. Troisièmement, la thèse selon laquelle il n'y a pas de dichotomie fondamentale entre les faits et les valeurs. Quatrièmement, la thèse selon laquelle, en un certain sens, la pratique est première en philosophie. Ceci est dans Words and Life, page 152. Sans approfondir cette évaluation aujourd'hui, il me semble en tout cas que les deux premières thèses, à savoir l'antisepticisme et le faillibilisme, sont en effet ce qui permet assurément aux auteurs que j'ai déjà évoqués de servir peut-être de fil conducteur pour une approche constructive de ce en quoi pourrait consister le concept de vérité et aussi de la manière la plus sûre d'y parvenir. Je reviens donc très vite sur certains des aspects positifs de leur approche dont nous avons déjà eu l'occasion de les créditer, qu'il s'agisse notamment de Ramsay, de James ou de Peirce. À savoir, vous en souvenez, premièrement, l'idée que toute enquête sur la signification de la vérité doit commencer par une opération de déblayage des confusions qui entourent le concept de vérité et la signification que nous lui donnons. Deuxièmement, l'idée encore qu'il y a peut-être lieu de voir moins une illusion dans les idées de correspondance ou de cohérence que des sortes de platitudes, au fond, dont il nous faut peut-être bien parvenir à maintenir néanmoins certaines des intuitions. Par exemple, ce qui est condamnable dans la correspondance, c'est l'illusion qu'elle entretient sur la relation entre nos idées et le monde, une relation que ne cesse de dénoncer aussi Peirce, en défendant, à l'inverse du réalisme métaphysique, un réalisme scotiste, très proche en vérité de celui que Putnam aussi rejette très vigoureusement, je parle du réalisme métaphysique, dans ce beau livre de 1981 qui fut très vite traduit par les éditions de Minuit, « Raison, vérité et histoire », lorsqu'il martèle que l'un de ses adversaires les plus constants est, comme il l'est aussi pour Peirce, le réalisme métaphysique ou externalisme qui se caractérise selon lui par la, si vous voulez, l'affirmation de trois thèmes fondamentaux. Premièrement, le monde est constitué d'un ensemble fixe d'objets indépendants de l'esprit. Deuxièmement, il n'existe qu'une seule description vraie de comment est fait le monde. Troisièmement, la vérité est une sorte de relation de correspondance entre des mots ou des symboles de pensée et des choses ou des ensembles de choses extérieures. Raison, vérité, histoire, page 61. Or, et bien que Putnam ne renvoie pas à Peirce, la critique du premier point au moins est au centre aussi des attaques virulentes menées d'emblée par le métaphysicien de Milford contre ce qu'il appelle le platonisme nominaliste, où l'idée antique, abondamment reprise et amplifiée par les médiévaux sous la forme de la querelle des universaux, selon laquelle il existerait des universaux réels, totalement indépendants de nos idées ou de nos mots. Contrairement au nominaliste, et en plein accord avec celui qu'il tient pour l'un des inspirateurs du pragmatisme moderne bien conçu, Jean Duns-Scott, Peirce montre en effet que l'important n'est pas tant de dire ce qui est mental et ce qui ne l'est pas, que de déterminer si notre pensée porte ou non sur des objets réels. Est entendu, pour reprendre ces termes, je cite, que le réel est ce qui signifie quelque chose de réel. L'essentiel étant donc de spécifier le fundamentum universalitatis, la nature de l'objet de ce qui est pensé, qui n'est ni une res, comme le voudraient les réalistes platonistes ou métaphysiques, ni un fictum ou une vox, comme veulent l'y réduire les nominalistes. En un mot, comme c'est le cas de Putnam, pour le fondateur du pragmatisme, qui a toujours considéré, je cite, que jamais le pragmaticisme n'aurait pu entrer dans la tête de quelqu'un qui n'eût pas été déjà convaincu de l'existence d'universaux réels, fin de citation, le réalisme métaphysique et la théorie de la correspondance qui va de pair avec lui est une forme de réalisme substantialiste auquel, au demeurant, aucun scolastique médiéval, sauf à le caricaturer, ne souscrit plus depuis belle lurette. Un obstacle à une compréhension correcte du rapport entre nos pensées et le monde. La réponse correcte à cette critique passera donc par l'adoption, non pas du nominalisme ou du conceptualisme, qui ne sont en réalité que des formes déguisées de platonisme et de réductionnisme, mais par l'adoption d'une forme subtile de réalisme, inspirée du scotisme, ainsi qu'il le précise dès 1871. Bref, un réaliste, bien compris, se verra donc défini comme quelqu'un pour qui, premièrement, un universel n'est pas une res, une chose, mais un prédicat. Ainsi, que le mot « dur » soit lui-même réel ou pas, la propriété, le caractère, le prédicat « dureté » n'est pas une invention des hommes comme l'est le mot, mais se trouve réellement et vraiment dans les choses dures et uniques en elles toutes, sous la description d'une habitude, d'une disposition ou d'un comportement. Fin de citation. Autrement dit, comme le rappellera aussi Frank Ramsey, je cite, « la vérité et la fausseté se disent avant tout de propositions. La proposition à laquelle elles sont attribuées peut être ou bien explicitement donnée ou faire l'objet d'une description. » Fin de citation. Deuxièmement et en conséquence, tout ce qui est signifié par « le réel » est connaissable à quelques degrés et a, partant, la nature d'une cognition au sens objectif de ce terme. Une telle conception est donc, vous le voyez, fatale à l'idée d'une chose en soi, d'une chose qui existerait indépendamment de toute relation à la conception qu'en a l'esprit. Troisièmement, le réel est non pas ce qu'il nous arrive d'en penser, c'est donc à contrario ce qui est indépendant de mes fantaisies comme des vôtres, de la manière dont nous pouvons penser ou sentir à son propos, mais c'est ce qui reste inchangé par ce que nous pouvons en penser. Ça, ce sont des citations de Peirce. Le réel est donc ce sur quoi la communauté peut se retrouver. Ce n'est pas le fait d'un individu, contrairement à ce que suppose encore le nominalisme. Donc, vous voyez, retenons que cette idée intuitive, au fond, de la nécessité d'une approche réaliste qui maintienne certaines intuitions inhérentes à la conception de la correspondance, en montrant en même temps les limites, comment il ne faut pas entendre, en tout cas celle-ci, vous voyez, est une idée, je crois, extrêmement importante, dont nous devons conserver l'intuition dans notre approche constructive du concept de vérité. Troisième idée, dont nous avons pu apprécier encore la fécondité, celle consistant à associer vérité et utilité, mais en prenant soin, naturellement, comme Ramsey le rappelait, et contre, il faut bien le dire, William James, de bien comprendre le sens de l'équation, le vrai, c'est l'utile, ce qui a des effets. Comme le dit Ramsey, une croyance que A est B signifie, selon cette thèse, une croyance qui est utile si et seulement si A est B. Une telle croyance sera donc utile si et seulement si A est B, c'est-à-dire si et seulement si elle est vraie. Et de même, inversement, elle sera vraie si et seulement si elle est utile. On Truth, page 91. En un mot, l'analyse pragmatiste de la vérité est correcte dès lors qu'elle s'entend non seulement en termes de croyance et donc en un sens non-behavioriste réductionniste de disposition à l'action, mais aussi au sens où elle définit le vrai comme cela doit se faire en partie en relation avec l'utile. Une croyance étant une disposition à agir utile si et seulement si la croyance est vraie. En d'autres termes, l'équation correcte, c'est P est vrai si et seulement si P est utile et P est utile si et si, seulement si P est vrai. France et France Culture vous présente la philosophe Claudine Tiercelin, Connaissance, vérité et démocratie, aujourd'hui Pars Construens, ce que pourrait être le concept de vérité. Quatrième idée, féconde. Celle qui, sans pour cela y réduire la vérité, souligne que celle-ci est indissociable de l'idée de vérification, de justification ou de confirmation de nos croyances. comme le souligne aussi Putnam, l'immense intérêt de la position pragmatiste réside dans l'interdépendance qu'elle sait établir entre le vrai et l'utile, la pratique, ce qu'il est satisfaisant de croire, ce qu'il faut vérifier, confirmer, ou ce dont il faut donner des conditions d'acceptabilité, et non, bien entendu, dans la réduction de celui-ci à cela. N'est-ce pas ? Donc, association, mais pas réduction. Ainsi, quels que soient les défauts finalement désastreux, selon Putnam lui-même, de la position de James sur la vérité, dont j'ai parlé la dernière fois, James n'a pas confondu vérité et vérification ou confirmation, et il a su mieux que quiconque montrer le lien entre la vérité et l'évaluation sans en tirer de conclusion relativiste. Et c'est du reste ce qui distingue un pragmatiste comme Peirce de celui qui est parfois tenu pour le représentant majeur du pragmatisme, Richard Rorty, dont Susan Hack a pu montrer point par point dans un texte très amusant où elle les fait dialoguer, simplement à partir de citations prises à l'un et à l'autre, que la plupart des assertions qui sont les leurs sur la vérité sont en opposition directe l'une de l'autre. N'est-ce pas ? Voici quelques exemples, je cite des déclarations de Rorty. « Je n'ai pas beaucoup de goût pour des notions comme celles de valeur objective et de vérité objective. La vérité est une pure question de solidarité. Il n'y a rien à dire sur la vérité ou la rationalité, sinon le tableau pouvant être réalisé des procédures familières de justification qu'une société donnée, la nôtre, met en œuvre dans un domaine déterminé de la recherche. La vérité n'est pas le genre de chose dont il y a lieu d'attendre une théorie philosophiquement intéressante. Des énoncés vrais n'expriment jamais que de vains compliments métaphysiques, des compliments inoffensifs, tant qu'on les considère comme des tapes rhétoriques dans le dos d'un chercheur couronné de succès, mais embarrassants dès lors qu'ils sont pris au sérieux et clarifiés en termes philosophiques. Mais il est vrai aussi que dans son « Nous, les pragmatistes », Rorty ne rangeait pas Peirce, dont il a dit que la seule contribution au pragmatisme était finalement de lui avoir donné un nom et d'avoir stimulé James, mais qui a malgré tout semblé plus soucieux, in fine, de défendre quand même une position plutôt, qu'il a qualifiée lui-même, de minimaliste sur la vérité que d'enterrer une fois pour toutes le sujet, puisque Rorty, on le sait, a cherché à la fin de sa vie, dans la position de Donald Davidson notamment, le moyen d'assurer une forme de combinaison réussie de minimalisme et de pragmatisme. Je vous renvoie à des textes de Rorty de 91 et de 95. Bien. Cinquième idée féconde, à mon sens, et non des moindres, avoir bien vu que, au fond, s'engager dans une entreprise de clarification de la vérité, c'est d'abord et avant tout le faire en rapportant la vérité à des croyances et en déterminant la signification de nos assertions. Or, qu'est-ce que c'est qu'une croyance pour un pragmatiste, comme Ramsay, James, Peirce ou Dewey, ou Wittgenstein aussi, du reste, hein ? C'est bien plus qu'un état mental, si vous voulez. C'est une disposition à agir, comme nous l'avons vu en évoquant certains de leurs textes, qui est porteuse des faits et qui norme aussi notre conduite. On le sait, comme Peirce, James rappelle que la méthode pragmatique interprète chaque conception d'après ses conséquences pratiques. La seule fonction de la pensée étant d'établir une croyance, c'est-à-dire une habitude d'action. Je cite... Les différentes croyances se distinguent par les différents modes d'action qu'elles produisent. Il ne saurait donc y avoir, je cite encore, de nuances de signification assez fines qui ne puissent produire une différence dans la pratique. Les seules différences non illusoires sont celles qui font la différence, la vérité se concevant en action. Et Ramsay le rappelle lui-même, je le cite, « L'essence du pragmatisme » me semble tenir en ceci que la signification d'une phrase doit être définie en relation avec les actions auxquelles le fait de l'affirmer conduirait, ou plus vaguement encore, par les causes et les effets possibles de cette affirmation. Fin de citation. Mais vous comprenez mieux pourquoi, dès lors, un pragmatiste n'est pas quelqu'un qui, en toute rigueur, soutient une théorie de la vérité selon laquelle la vérité se réduirait à la vérification. Le lien entre vérité et vérification ou vérifiabilité passe d'abord par une théorie, certes vérificationniste, si vous voulez, il faudrait dire plus rigoureusement pragmatiste, c'est-à-dire telle qu'elle est formulée justement par la célèbre maxime pragmatiste de détermination de la signification de nos énoncés. C'est une théorie donc de la signification. La signification d'une proposition étant toujours sa conformité avec l'expérience possible ou sa vérification, y compris idéale. Et c'est du reste ce qui confère à la signification toujours une indétermination irréductible. La signification doit certes renvoyer à des effets sensibles, à des expériences, à des pratiques, à des actions, mais cela ne peut s'entendre en un sens réductionniste. Il faut au contraire l'entendre au sens où, premièrement, il vaut mieux privilégier les effets habituels et dispositionnels plutôt que les effets liés aux sensations. Deuxièmement, les expériences s'entendent au sens d'expérimentations générales et possibles et non pas singulières, concrètes, présentes ou même futures, mais conditionnelles, au sens réaliste du terme que Peirce, pour sa part, appelle la loi du would-be. Par exemple, dire qu'un diamant est dur, n'est-ce pas ? Donc déterminer les conditions de vérité d'une signification dans laquelle entrerait, vous voyez, cette affirmation, un diamant est dur, comment est-ce qu'on vérifie, comment on détermine s'il s'agit d'un énoncé qui a du sens ou bien qui n'en a pas, n'est-ce pas ? Dire qu'un diamant est dur, ce n'est pas dire que si on le soumet au test, il sera rayé, mais c'est dire que si on l'y soumettait, il serait rayé. Ce qui revient à admettre que la dureté est une propriété dispositionnelle du diamant dont la réalité ne se réduit pas à ses effets observables ou expérimentables hic et nunc, mais est à proprement parler conditionnelle et formulable en termes d'une loi de la nature. Je cite, « Bien que la dureté soit entièrement constituée par le fait qu'une autre pierre frotte contre le diamant, il n'en reste pas moins que nous ne concevons pas qu'il ait commencé à être dur quand on a frotté contre lui l'autre pierre. Au contraire, nous disons qu'il est réellement dur tout le temps et l'a été dès qu'il a commencé à être un diamant. Et pourtant, nul fait, nul événement, rien du tout ne le différenciait de quelque chose qui ne soit pas aussi dur jusqu'à ce qu'on frotte contre lui l'autre pierre. En un mot, de même que l'existence des réalités dépend du fait que l'opinion finira par s'établir dans la croyance en elle, de même, dit Peirce, ces réalités existaient avant que la croyance apparaisse et furent même la cause de cette croyance. Troisième idée, c'est encore dire que les pratiques et les actions impliquées donc dans la signification de notre énoncé sont conçues et finalisées. Ce sont des conduites orientées vers le développement de ce que Peirce appelle pour sa part la raisonnabilité concrète. C'est enfin rappeler, quatrième point, que la signification d'un concept ou d'une phrase n'est jamais donnée par une simple définition, mais est fournie par l'élucidation pragmatique à laquelle vous vous livrez ensuite en examinant les pratiques, le contexte, etc., qui lui sont associés. Comme le dit aussi Ramsay, dire d'un homme qu'il a telle ou telle connaissance, croyance ou opinion signifie en général quelque chose d'hypothétique, quelque chose sur ce qu'il penserait, dirait ou ferait dans les circonstances appropriées. Il est à mon sens important de réaliser qu'il ne s'agit pas simplement de ce qu'il penserait ou dirait, mais aussi de ce qu'il ferait, car bon nombre de nos croyances dispositionnelles se manifestent bien plus dans nos actions que dans nos pensées. On Truth, page 44. Au fond, vous voyez, c'est un élément, je crois, moi aussi très important, lorsque nous voulons essayer de construire une approche correcte du concept de vérité, et ainsi que le suggérait Putnam, Il nous faut voir que ce que des philosophes comme James et Peirce voulaient au fond nier, c'est, je cite Putnam, que la vérité aille plus vite que ce que les humains ou d'autres êtres sensibles pourraient vérifier ou découvrir. C'est ce qu'il dit dans « Le réalisme à visage humain », page 20. Si pratique a un sens plus individualiste, vital et émotionnel pour James, là où Peirce, refusant cette lecture nominaliste, lui donne le sens de but ou de visée rationnelle, au sens kantien du terme, James ne va pourtant pas aussi loin qu'on le dit en ce sens. Certes, les croyances ont avant tout une importance vitale, elle n'aurait jamais acquis le nom de croyance vraie, nous l'avons vu, si elle n'avait pas d'abord été utile. Donc, les croyances bonnes ou avantageuses sont donc bien, en un sens, celles qui ne risquent pas d'être contredites par l'expérience, nous prémunissant ainsi contre des échecs ultérieurs, mais ce sont aussi celles qui nous permettent de maximiser nos vieilles croyances tout en préservant la consistance. Vous voyez que la cohérence est aussi dans cette affaire un élément qui compte. Par-dessus tout, va même jusqu'à dire William James, nous trouvons la consistance satisfaisante. Meaning and Truth, page 105. C'est du reste la raison pour laquelle, ayant fait observer qu'une croyance dans l'absolu lui offrirait une sorte de vacances morales et serait bonne au sens de agréable à croire, James ne l'en rejette pas moins parce qu'elle est non consistante, donc contradictoire, avec d'autres croyances, et il estime comme Peirce, qui se dit finalement proche de lui, que ce serait là réduire le sens de pratique que de l'opposer à théorique, là où il entendait pour l'essentiel l'opposer à, je cite, « vague ou abstrait », meaning and truth, traduction française, page 182. Si la vérité n'est pas une copie statique du réel, mais en prise directe sur le réel par nos croyances ou dispositions à l'action, c'est donc, vous le voyez, un instrument de recherche qui nous permet à l'occasion, en effet, de, comme le dit James, de refaire le monde. Et nous approchons là d'une sixième idée qu'il importe, à mon sens, de bien retenir et qu'il nous faudra approfondir lorsque nous essaierons d'en évaluer la pertinence pour la démocratie. La signification réelle de la vérité s'inscrit toujours dans une recherche, dans une enquête. La vérité est ce vers quoi tend l'enquête. Peirce insiste, comme James, et sans doute l'influence de Darwin n'y est-elle pas pour rien, sur le caractère dynamique, James dit même génétique, de la vérité. Mais comme après lui Dewey, qui insistera sur les matrices biologiques et culturelles de l'enquête, et infiniment plus que James, Peirce se soucie aussi, et c'est sa grande force, je crois, des modalités et de la méthode à même de régir, la marche même de l'enquête, dans ses aspects tant naturalistes que normatifs. Étude minutieuse à partir de laquelle il tire la conclusion que la seule définition ou signification réelle de la vérité, eh bien, c'est celle qui nous permet de déterminer, dans le cadre de l'enquête, celle qui, parmi nos croyances, résiste bel et bien aux doutes et sont stables, parce qu'elles n'ont pas été jetées par-dessus bord, soit par la mise à l'épreuve d'arguments rationnels imparables, n'est-ce pas ? Et donc par toute une série d'opérations de délibération, dont nous allons voir à quel point elles comptent dans l'exercice normal de la démocratie, soit et plus encore peut-être parce qu'elles n'ont pas rencontré le choc de telle ou telle expérience, comme il dit, récalcitrante. En définissant le vrai comme ce vers quoi tend l'enquête, Peirce en profite d'ailleurs pour fixer la méthode qui, à la différence des autres, méthode qu'il appelle d'autorité, méthode de ténacité ou méthode subjective ou a priori, n'est-ce pas, qu'il détaille dans ses fameux articles parus dans la revue philosophique en 1879, n'est-ce pas, comment fixer la croyance et comment rendre nos idées claires. Donc la méthode qui est à même de stabiliser, vous voyez, nous retrouvons une autre de ces platitudes qu'évoquait Crispin Reich, n'est-ce pas, a même de stabiliser la croyance. La méthode scientifique, qu'il appelle scientifique, dont il pense qu'elle tire sa force, non d'une supériorité magique de la science, mais de la contrainte qu'exerce sur elle la réalité, seule capable d'opérer par l'indépendance qui est la sienne par rapport aux esprits, le consensus de la communauté des individus. Dewey suivra Peirce, j'y reviendrai, dans cette idée que la vérité est en effet la fin de l'enquête, et dira du reste que, je le cite, c'est la meilleure définition qui ait été donnée de la vérité, la méthode de l'enquête nous donnant, dit Dewey, le droit d'asserter de façon garantie et de donner à nos croyances le statut de connaissance. C'est au début de la logique. Toutefois, c'est un point aussi qu'a bien montré Putnam. Il est vrai que c'est bien parce qu'il y a chez William James un fort courant peircien qu'il est prêt lui-même à concevoir la vérité comme, je cite, la formule est de Peirce, l'opinion sur laquelle il est fatal que tous les chercheurs finissent par s'accorder, et donc à envisager le vrai en termes d'un ordre rationnel possible, idéal, et d'une contrainte exercée sur nos croyances par la réalité extérieure. Et c'est ce qui permet de dire pourquoi c'est vrai qu'en dépit des différences notables tout de même entre James et Peirce, l'un et l'autre définissent bien le vrai en termes de croyance et de jugement. Et pour finir, dans les termes d'une théorie de la vérité consensus, laquelle ne saurait s'entendre, ni pour Peirce, ni pour James, comme le fait que ce qui est vrai l'est parce que la communauté des chercheurs s'accorde là-dessus ou décide de ce qui est vrai, mais en sens inverse. Tous deux soulignent à quel point nous sommes étroitement contraints et par la réalité et par l'ensemble de nos croyances antérieures. Fin de citation. Je cite ici l'analyse menée par Putnam dans le volume de Cambridge consacré à l'œuvre de William James, qui s'appelle « La théorie de la vérité de William James ». À cet égard, il y a donc bien, vous voyez aussi, chez celui qu'on caractérise comme le nominaliste William James, bien une insistance réaliste, que vous retrouverez d'ailleurs, j'en avais dit un mot la dernière fois, dans son réalisme direct de l'empirisme radical, et qui revient bien aussi à parler de la vérité comme, en termes en tout cas, d'un accord possible, nécessaire, avec la réalité. Mais, et ce que je viens de noter vous le fera saisir, je pense, il y a dès lors une septième idée sur laquelle je souhaite un peu m'attarder, et sur laquelle aussi, du reste, il nous faudra revenir, car si elle est correcte, elle pourrait montrer que l'idée même de consensus, qui est si présente dans nombre de défenses de ce en quoi doit consister l'idéal démocratique, n'est peut-être pas autant en contradiction qu'on le pense avec le fait d'être en accord avec le réel. Et c'est l'idée suivante. Peirce présente en effet, nous venons de le voir, parfois, la vérité comme l'opinion sur laquelle il est fatal que tous les chercheurs finissent par s'accorder. La vérité serait donc au fond présentée comme une sorte, vous voyez, de limite de l'enquête. Dans Raison, Vérité et Histoire, c'est du reste cette définition que Putnam lui-même avait commencé par suivre parce qu'elle lui semblait conforme à ce qu'il appelait à l'époque le réalisme interne qu'il souhaitait adopter dans le prolongement de son rejet du réalisme métaphysique. Voici ce qu'il écrivait, donc dans Raison, Vérité, Histoire, page 61, « L'internaliste voit en la vérité une sorte d'acceptabilité rationnelle idéalisée, une sorte de cohérence idéale de nos croyances entre elles et avec nos expériences telles qu'elles sont représentées dans notre système de croyances et non une correspondance avec des états de choses indépendants de l'esprit ou de discours. » Mais à partir du réalisme à visage humain, Putnam a jugé que cette analyse était en réalité antiréaliste et donc erronée, puisqu'il a toujours souhaité défendre justement une position réaliste, mais en un sens qu'il n'a cessé de s'efforcer de préciser. Et il a estimé nécessaire de revenir donc à une notion de vérité, dit-il, plus accessible et plus modeste humainement parlant en termes de ce qu'il a caractérisé alors de conditions épistémiques suffisamment bonnes, page 409 dans Le réalisme à visage humain, se joignant ainsi au concert de critiques adressé à ce qui est stigmatisé sous le vocable de l'idéalisation persienne de la vérité. Les critiques remontent en fait au moins à Russell, qui évoquait une sorte de prophétisme sociologique et ironisait sur cette conception de la vérité qui impliquerait que les croyances soutenues par le dernier homme sur Terre, quelles qu'elles soient, seront vraies. Or, dit acidement Russell, je le cite, « Comme le dernier homme sera sans doute entièrement occupé à se tenir au chaud et à se procurer à manger, il est douteux que ses propres opinions seront en rien plus sages que les nôtres. » Fin de citation, c'est dans « Dewey's Logic ». D'autres malentendus suivront à propos de ce que certains ont appelé le « tropisme persien » à l'égard de la vérité. Quel sens en effet donner à ce fameux concept d'opinion finale sur laquelle il serait fatal que tous les chercheurs s'accordent? Pour mieux comprendre ce qui est ici en jeu, il nous faut partir de l'hypothèse sur laquelle, selon Peirce, repose la méthode scientifique et qui justifie donc à ses yeux que nous la suivions. Je le cite, donc c'est dans le volume 1 des œuvres philosophiques de Peirce, page 230, « Il existe des réalités, écrit-il, dont les caractères sont absolument indépendants des opinions que nous pouvons en avoir. Ces réalités affectent nos sens suivant des lois régulières, et bien que nos sensations soient aussi variées que nos relations avec les choses, en nous appuyant sur les lois de la perception, nous pouvons établir par le raisonnement comment les choses sont réellement, et tous les hommes, pourvu qu'ils aient une expérience suffisante et qu'ils raisonnent suffisamment sur ces données, seront conduits à une seule et véritable conclusion. » Fin de citation. Apparemment donc, vous le voyez, pour Peirce, la science parviendrait systématiquement de plus en plus près de la vérité. C'est la lecture d'ailleurs que fera Quine. La position de Peirce serait selon lui intenable, puisqu'elle dépendrait d'une notion d'approximation successive du côté des théories, ce qui suppose que nous sachions ce que veut dire comparer des théories eu égard au degré de ressemblance. Quine a en partie raison. Il est exact que dans certains textes, Peirce semble dire que l'opinion irréversible finale serait approchée comme une limite et que la vérité même serait approximée par confirmation successive, un peu au sens où tôt ou tard, nous calculerons la valeur de pi. Ce qui veut dire que la valeur de probabilité assignée au fait que pi soit 3,14 autorise, n'est-ce pas, une marge d'erreur très réduite et que l'on peut néanmoins toujours affiner sa valeur. C'est néanmoins réduire singulièrement la vision peircienne de l'enquête et de la connaissance, notamment parce que cela revient à la ramener exclusivement ou principalement à une démarche qui nous rapprocherait de la vérité, soit, vous voyez, en accumulant des informations, soit en proposant une conception satisfaisante de la vérisimilitude, de style au fond assez popérien, laquelle, on sait, rencontre l'objection bien connue qu'elle ne vaut plus pour deux théories fausses, soit encore en réduisant l'accès au vrai à ce que la seule induction nous en apprendrait. Alors, assurément, Peirce veut parvenir au vrai, éviter l'erreur et de ce fait satisfaire, comme il le dit, le maximum d'attentes et un minimum de surprises. Mais cela, pour lui, signifie parvenir à des théories qui se rapprochent de la vérité, au moins autant par consensus que par convergence. Il est très important de voir que les deux notions sont pour lui indissociables, même si évidemment elles ne sont pas synonymes, et c'est un point, je crois, très intéressant qu'il nous faudra élucider dans la construction de notre concept de vérité. La convergence, certes, est une notion mathématique. On dit par exemple que des mesures convergent quand pour deux paramètres avec des mesures différentes, la différence entre les mesures diminue progressivement jusqu'à devenir la plus petite possible. Donc jusqu'à un certain point, c'est vrai, si on met l'accent sur le rôle notamment que joue l'induction dans la procédure d'enquête, c'est bien ce que Peirce a en vue. Et c'est d'ailleurs ce qu'a vu aussi Frank Ramsey lorsqu'il place le fonctionnement de ce qu'il va appeler pour sa part, j'ai déjà évoqué ce terme, la logique humaine de la vérité, et la place particulièrement importante qui occupe pour lui l'induction, lorsqu'il place cette théorie sous l'égide de Peirce. Voici ce que Ramsey écrit. « Nous sommes tous convaincus par des arguments inductifs et notre conviction est raisonnable parce que le monde est ainsi fait que les arguments inductifs mènent tout compte fait à des opinions vraies. Ainsi, on ne peut que faire confiance à l'induction et on ne voit pas pourquoi on ne devrait pas le faire, étant donné qu'on croit qu'il s'agit d'un processus fiable. Pour Peirce aussi, l'induction est fiable parce que c'est une méthode pour parvenir à des conclusions qui, si on persiste assez longtemps, corrigeront assurément toute erreur concernant de futures expériences dans lesquelles elle peut temporairement nous induire. Mais la seule justification de l'induction, dans ce caractère autocorrecteur, si vous voulez, de la méthode, est celle qui est donnée par l'échantillonnage statistique. Et quelle que soit la manière dont on l'interprète, Peirce ne met pas la question de l'autocorrection liée à la validité de l'induction sur le même plan que son analyse de la vérité. Une théorie vraie n'est pas une théorie qui aurait par exemple une probabilité de 1, qui prendrait donc la vérité au sens mathématique d'un taux de succès de la théorie. Peirce ne cesse de répéter que l'attribution d'une probabilité à une hypothèse, à une théorie ou à une conclusion conduit à des résultats ridicules. Ce n'est pas davantage l'usage répété de l'induction qui nous amènera à croire le vrai. Même si l'inférence inductive fait donc partie de la méthode scientifique qui produirait finalement des croyances vraies, rien en elle ne lui fait automatiquement produire le vrai. Pour la même raison, il ne dit que très rarement que la science elle-même s'autocorrige, car l'induction n'est que l'une des trois procédures nécessaires à la méthode scientifique, dans laquelle joue un rôle au moins aussi important, voire plus, s'agissant par exemple pour l'abduction de montrer comment se produisent les hypothèses, ce dont est incapable l'induction, la déduction donc et l'abduction. Si on veut donc comprendre le sens qu'a pour Peirce le concept d'enquête et le rôle que l'enquête joue dans la détermination même d'une définition adéquate de la vérité, c'est sur un autre terrain qu'il faut évidemment déployer nos efforts. Et c'est donc par là que je commencerai la prochaine fois en montrant après comment nous pouvons essayer d'appliquer cette stratégie à la question de la détermination de ce en quoi consiste la légitimité de la démocratie. Je vous remercie. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 15 mars 2017, Claudine Tiercelin, Connaissance, vérité, démocratie. Aujourd'hui, Peirce Construens, ce que pourrait être le concept de vérité. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Claudine Tiercelin. Pour entrer au cœur de ces travaux, je vous recommande en particulier « Le ciment des choses, petit traité de métaphysique scientifique réaliste » publié donc par Claudine Tiercelin aux éditions Itac en 2011. Je rappelle également sa leçon inaugurale publiée chez Fayard en 2011 sous le titre « La connaissance métaphysique pour tout savoir ce qu'est la métaphysique aujourd'hui ». Et enfin, je rappelle son ouvrage « Le doute en question » publié pour la première fois en 2005 et reparu en 2016, augmenté d'une postface. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous poursuivrons la grande enquête de Claudine Tiercelin à la recherche d'un concept propre de vérité. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.